l'esprit en béton. Béton, ouais. L'esprit bétonné, l'esprit en béton, tonné, l'esprit en béton, l'esprit bétonné, l'esprit en béton, l'esprit bétonné. C'est pas de ma faute si comme décor, autour de moi je n'ai que du béton à perte de vue, à croire qu'on nous met à l'écart. De l'encre en guise de liqueur, pour dire qu'on picore les miettes qu'on nous donne alors qu'on a le droit au respect à notre égard. On s'égare, et ça les arrange, mais quand on prend garde, sache que c'est le système que l'on dérange. Ils nous dopent, bien sûr en pensant qu'on est dupes, pour pas que l'on se rebelle, pourtant c'est comme ça qu'ils nous éduquent. On nous cloît dans des quartiers malfamés, et aujourd'hui il s'étend de voir tous ces jeunes à l'esprit affamé nous réduire à l'infamie. C'est ce qu'ils voudraient, dans le but de nous outrer, avec du ciment qu'on marre pour nous y faut. Ils ont généré la haine au sein des cités, pour que l'on puisse penser que le vice est une nécessité. Certains tombent si tôt, parce qu'incités à croire que c'est pas le danger qui les fera hésiter. Faut bien justifier l'existence des prisons, faut causer des torts pour que certains puissent avoir raison. Prison, piège, on avance à présent sur la glace que nous prisons. Méprisant cette loi écrite sans bonne intention de leur part, les leurs parlent pour eux, c'est ce qui nous rend plus forts. Et c'est pour ça que l'on pleure pas, à chaque pas on se renforce, on prend forme, on renferme le terrain. Et pour nous arrêter ils nous enferment. On vient des lieux en béton, dans les tours nous habitons, mais toujours aussi compétents. Toujours prêt pour détonner, donner tout ce que j'ai sur le cœur, sans attendre que ça me pétonne. On vient des lieux en béton, dans les tours nous habitons, mais toujours aussi compétents. Toujours prêt pour détonner, donner tout ce que j'ai sur le cœur, sans attendre que ça me pétonne. J'en ai assez de faire la toupie, d'être le trait d'une caricature d'un personnage qui ne manque pas de toupée. Ils nous promettent l'utopie, nous font se regrouper pour nous classer parmi ceux qui s'entretuent pour des broutilles. C'est pas parce que je roupille jusqu'à midi que forcément je squatte les blocs toute une nuit debout ou accroupi. Les mots en guise de goupille, le mic une grenade que je balance quand je vois ces jeunes esprits croupir. La routine engloutie un certain pourcentage de jeunes qui fait que le rêve ne vienne jamais aboutir. J'ai beau dire à manier les verres à la Baudelaire qu'on est tous, mais ils s'en foutent de savoir qu'il nous faut de l'air. Pas de peine, à leurs yeux on est des criminels alors qu'ils sont sujets d'histoire de magouilles et de pots de vin. Apprenti de la vie, je rappe parce que j'aime grandir. Ma rage au mic normal chez moi c'est pas le pays tendi. Pas de paragraphe tendi, histoire de frères qui cantinent. Toujours les mêmes rengaines et les mêmes comptines, les mêmes qui tombent quand il s'agit d'action, se croyant dans un grand film. Infime chance, on avance pour un destin inscrit en béton. On vient des lieux en béton, dans les tours nous habitons, mais toujours aussi compétents. Toujours prêt pour détonner, donner tout ce que j'ai sur le cœur, sans attendre que ça pétonne. On vient des lieux en béton, dans les tours nous habitons, mais toujours aussi compétents. Toujours prêt pour détonner, donner tout ce que j'ai sur le cœur, sans attendre que ça pétonne. Hey, toujours prêt pour détonner, donner tout ce que j'ai sur le cœur. Esprit bétonné, esprit en béton. Hey. Clan d'instinct, esprit bétonné. Technico, esprit bétonné. Divers, esprit bétonné. Toulouse, esprit bétonné. Pacini, esprit bétonné. SKIP, s'il te plaît, esprit bétonné. Esprit bétonné, c'est pour les nôtres, esprit bétonné.